my man. On est là. Okay. Okay. Okay. My man. J'te le défonce la gueule. J'te pisse, c'était toi de l'immeuble. My man. On a déjà baisé ta sœur. Des gros aquas dans l'ascenseur. Bibi en quantité industrielle. Des biceps, des beurrettes sur du fodel. J'te cale une patate de forain. Ton chien, je shoote, fais fini au frame. Les meufs, les bières, je les achète partout. On transforme ta bar mitzvah en partout. Clic, clac, je mets une grosse queue-cla. Prépare ton foie, je te sers un whisky coma. J'suis partisan d'Adolf Hitler. Ni tous ces connards comme la Pépière. Ouais, mon gars, fais pas le mariole. Non, non, non. La coque est bien cachée dans le cul de ta daronne. Ta soirée, on fait du sale en bas des cales, on fait du sale, y'a de billets, on fait du sale sur les poucales, on fait du sale sous kétamine, on fait du sale dans ta culotte, on fait du sale entre copines, on fait du sale, des pits de phoque, on fait du sale. Eh ouais, on fait quoi, mes négros? Du sale m'amène, du sale m'amène. Quoi? On fait quoi, mes négros? Du sale m'amène, du sale m'amène. Je m'arrave à coups de sandales. Avec mon gang, j't'arrache les amygdales. J'les biotago devant le comico. Avec ma tubi. Quand j'm'auto-sus, j'travaille les abdos. Comme une salade en trop sa banale. On est cinq normales qui est fils sur un âme. Pendant la fonce d'âle, ça braque le McDo. On aime les bonnes blagues comme les totos. Croyez payer quelques grecs avec la sincère. En club enfant, on déchire des emails. Du gros te chie, j'en vends des tonnes. Ma mère c'est la bonne. Ça charbonne quelques douces beurrettes. Ah ouais. Glisse le critérium dans ton urètre. Quelques miettes autour de l'ailier. Qu'est-ce que c'est? C'est de la cocaïne en stress. À ta soirée, on fait du sale en bas des cales, on fait du sale, y'a de billets, on fait du sale sur les poucales, on fait du sale sous kétamine, on fait du sale dans ta culotte, on fait du sale entre copines, on fait du sale, des pits de phoque, on fait du sale. Eh ouais, on fait quoi, mes négros? Du sale m'amène, du sale m'amène. Quoi? On fait quoi, mes négros? Du sale m'amène, du sale m'amène. Vas-y, okay, rattale-le, okay, mon gars. On est dans la place, mon gars.